Malheureusement, lors d'un voyage, votre avion s'écrase, vous n'avez pas profité de vos proches, mais eux s'en mettent plein les poches, vous vous êtes tué au travail. Est-ce une malédiction? C'est peut-être parce que vous avez volé une idée à la con. Ouh, j'aime bien Brassens. C'est fini, mais une chanson bonus vous attend, Blage 14.